Manigis, on est toute la nuit, posé dans la garage avec Elvie. Elle me veut pour toute la vie, mais toute la nuit, le weaver David. J'suis au bord de mer, je regarde la lune. J'ai trop bu de vodka russe, ce qu'il faut pas faire pour la thune. Désolé, mais des fois on n'aime pas les médias. Sur soi et prendre son temps. J'ai grandi, j'ai quitté le béton. J'ai mis la hublot au bras, c'est l'ambiton. Tout à l'heure, j'ai fait la queue à vide. Ils m'ont reconnu, ils m'ont fait rentrer vite. J'ai bu de la potion, chaud guidon. J'fume tellement la frappe, j'ai des yeux qui tombent. Tu es tranquille à la maison. Prendre des pitbulls et un piton. On met les doses, on fait des tops. On fait pas les stars, mais on se mélange pas trop. C'est pas tout rose, j'bois du rose. Et j'm'y qui passe, pas de papier rose. J'vais acheter la Rolex.